Que désire ton âme faire exploser par messe. Dieu a créé l'amour pour refaire faire l'arbour sur ces têtes de Kabyle, aux cervelles de débiles. C'est dit dans l'évangile pour épurer la race en phénomène de masse, car les noirs sont dégueulasses. Faut leur exploser leur face et détruire toutes les traces. Suis-moi là, on va tout faire brûler. Les noirs et les brés les bronzés redonnent un sens à ta vie en utilisant un four et donc ton fusil. Ton fusil. Ton fusil. Écoute un peu ton cœur, il arrête les promesses. Laisse parler ton âme qui est blanche. On va casser leurs dents à cette grosse bande de glands qui se prennent pour des grands. Je veux mettre des balles devant, exploser leur barre. Et avec la doucette, faut bien viser la tête à cette bande de métèques, ramasseurs de pastèques, les enculés à sec. Suis-moi, là. On va tout faire brûler. Les noirs, les nègres et les bronzés redonne un sens à ta vie en utilisant un four. Ton fusil. Ton fusil. Ton fusil. Puisque dans ce domaine, les silences sont souvent plus pesants que les discours, moi aussi me lever à mon tour pour tenir une minute de silence, ou quelques instants de silence au moins, pour, en mémoire de tous ceux qui sont tombés, des dizaines de millions d'hommes tombés dans le monde sous la dictature communiste, et de avoir une pensée fraternelle à l'égard des millions d'hommes qui sont dans les camps et au goulag. Moi je suis journaliste et je continue à poser mes questions si vous le voulez bien. Je voudrais aborder les thèmes économiques. Alors, je voudrais poser une question particulièrement sur les restructurations industrielles.